t'aimais, je t'ai liké, je t'aimais, je t'ai liké, je t'ai tout donné, mais ça n'a pas suffi, non, ça n'a pas suffi. Oh, je t'aimais, je t'ai liké, je t'ai tout donné, mais ça n'a pas suffi. Oh, oh, oh.